tous les accusés veulent faire avancer leur procès. Vous perdez votre temps et vos forces. Il faut comprendre que notre grande organisation judiciaire reste pour toujours en suspens. Votre procès ne fait que commencer, Joseph. Vous avez encore des démarches, des préliminaires à faire auprès de fonctionnaires compétents. Et pour cela, vous avez besoin de moi. Monsieur le fondé de pouvoir, j'ai une communication importante à vous faire. Je n'ai pas envie de vous déranger avec cela juste aujourd'hui, en plein mal de tête. Mais j'ai déjà oublié de vous en parler lors de nos deux dernières entrevues. Vous avez bien un procès, pas vrai? J'ai entendu parler de votre procès par le peintre Titorelli. Il peut vous être utile, monsieur le fondé de pouvoir. Il connaît des juges et peut vous conseiller sur la façon d'empaumer les fonctionnaires influents. Quoi? Travailler à la banque pendant que des fonctionnaires traitent les pièces de mon dossier? Ce serait de la torture. Et qui à la banque tiendrait compte de ma situation pour apprécier mon travail? Personne. Personne. Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. 7e épisode, Le peintre, avec Stéphane Valinci, Olivier Peignet, Agathe Le Bourdonnec, Irma Barry-Schmidt, Christine Vélan, Alice Schneider. C'est un quartier même plus pauvre que celui où se trouvait le tribunal, situé totalement à l'opposé. Maison triste, de la saleté flottant sur la neige fondue. Dans le bâtiment où habite le peintre, un trou dans le mur d'où suinte un liquide saumâtre et fumant. Des rats grouillent vers l'égout tout près. En tout cas, il va faire vite. Échanger quelques mots avec le peintre, puis retourner aussitôt à la banque. Un succès ici aura un bon effet sur le travail à la banque plus tard. Les étages sont vertigineusement hauts et le peintre habite une mansarde. En plus, l'air est vicié ici. L'escalier est très étroit et fermé des deux côtés par des murs. Connaissez-vous un peintre nommé Titorelli? Quatre fillettes, dont une un peu bossue. Qu'est-ce que vous voulez à notre Titorelli? Qu'il fasse mon portrait. Votre portrait à vous? Vous n'avez pas honte? Sur le palier, les filles l'attendent, se tenant des deux côtés de l'escalier. Elle se serre contre le mur pour laisser passer K, tout en formant une haie. Leur visage lui montre un mélange de puérilité et de dépravation. K se trompe. Il voulait se diriger tout droit, mais la bossue lui montre un autre chemin où se trouve un autre escalier, très étroit, très long, et qui s'arrête juste avant la porte de... Titorelli, artiste. Non, garde ce que vous n'entrez pas. Foutez-moi le camp, mais fou. Regardez comme Titorelli les jette l'une après l'autre, comme des sacs de linge châle. Elles persistent, mais le peintre les maîtrise quand même. Seule la bossue réussit à lui échapper, mais le peintre la poursuit, l'attrape par la jupe, la fait tourner autour de lui et la dépose devant la porte avec les autres. Vous semblez très populaire dans cet immeuble. Ah, les coquines. Elles sont partout. De véritables pestes. Un jour, j'ai fait l'erreur de peindre l'une d'entre elles. Depuis, elles me poursuivent sans cesse. Je m'absente 2 minutes. À mon retour, elles sont sous le lit, dans le lit, partout. Elles m'ont volé une clé de l'atelier. Elles en ont fait faire un double qu'elles partagent entre elles pour y accéder. Pénible ! Une fois, je suis rentré avec une cliente. Je devais faire son portrait. Et là, à la table, la bossue en train de se peindre les lèvres avec mes pinceaux. Pendant que ses petits frères et sœurs traînaient partout, faisant des saloperies. Vittorelli, on ne peut finir. Non ! Ah ! Et moi, toute seule ! Mais taisez-vous ! Oh, Vittorelli ! Oh, non, non, même mise à la porte, les filles sont partout. Elles ont accès à la pièce par des trous qu'il y a dans les murs et dans les lattes de bois. Je voulais demander... Un soir, je rentre tard, je me mets au lit, et d'un coup, quelque chose me frotte la jambe, là, sous la couverture. Une des fillettes ? Je ne sais pas pourquoi elles s'incrustent chez moi. Je ne les encourage pas, comme vous voyez. Elles me perturbent pendant le travail. C'est bien parce que cet atelier a été mis gratuitement à ma disposition, sinon je serais parti il y a longtemps déjà. Atelier ? Plutôt un trou à rats. Il n'y a même pas la place de bouger. Difficile d'imaginer qu'un homme comme Titorelli puisse être une connaissance du fabricant. Ce monsieur, l'homme d'affaires que vous connaissez, m'a conseillé de venir vous voir. Pour acheter des tableaux ou pour que je fasse votre portrait ? Pour parler de mon procès. Ah, votre procès. Ah, son procès ! Oh, dégagez, là ! Est-ce que le peintre ignore vraiment le but de la visite de K ? Le fabricant l'a sûrement averti. K cherche un moyen de détourner la conversation sur le tribunal. Devant lui, un chevalet avec une toile posée dessus. C'est un portrait qui ressemble de façon frappante à celui d'un juge qu'il a vu dans le bureau de l'avocat Huld. C'est peut-être mon juge, celui-là. Je le connais. En fait, il n'est pas du tout comme ça. Il est tout petit, moche, vaniteux comme tout le monde ici. Il ne vous plaira pas, comme moi je ne vous plais pas. Quel rang occupe-t-il ? Juge d'instruction. Encore ? Mais il est quand même assis sur un trône. C'est de la mise en scène. En réalité, il est assis sur une chaise de cuisine recouverte d'une vieille couverture pour chevaux. C'est le portrait d'un juge, ça ? C'est un portrait, mais il n'est pas terminé. Ce n'est pas le même juge que chez l'avocat. Pourtant, comme dans l'autre portrait, celui-ci est aussi agrippé aux accoudoirs, prêt à bondir sur un coup de colère pour prononcer la sentence ou même le verdict. C'est la justice. Vous ne voyez pas la balance et le bandeau sur les yeux ? La justice ? Mais elle a des ailes aussi au talon ? Et elle me semble en train de courir ? C'est comme ça qu'elle m'a été commandée. Elle est à la fois la justice et la déesse de la victoire. Et en même temps la déesse de la chasse. Et ceci ne fait pas bon ménage. Et pourquoi pas ? Comme ça, la balance n'est pas stable. Il ne peut pas y avoir de verdict juste. Je peins ce que mon client commande. Ce juge est-il vraiment assis sur un trône ? De la mise en scène. Ce n'est pas un juge de haut rang. Encore ? Mais il a l'air d'être président de la chambre. C'était la commande. Ces juges sont très orgueilleux. D'ailleurs, il faut l'autorisation des instances supérieures pour être peint ainsi. La manière précise dans laquelle chacun peut être peint est imposée, officiellement. K se reproche d'être là déjà depuis longtemps, sans avoir encore pu parler de son procès. Comment s'appelle ce juge ? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais vous êtes l'homme de confiance du tribunal, n'est-ce pas ? Pourquoi tourner autour du pot ? Vous cherchez des renseignements à propos du tribunal. Je suis bien l'homme de confiance du tribunal. Officiellement ? Certainement pas ! Mais parfois, une fonction non autorisée peut donner plus d'influence. C'est bien mon cas. Vous ne voulez pas enlever votre manteau. En effet, K étouffe ici. Ce n'est pas uniquement dû à la chaleur qui l'opprime, mais également à l'air humide qui l'empêche de respirer. Cette pièce n'a sûrement pas été aérée depuis un bon moment. En plus, le peintre, assis sur la seule chaise de la chambre, a insisté pour que K s'assoie sur le lit, où il se retrouve presque enseveli sous des coussins et des oreillers, ce qui n'arrange pas du tout son malaise. Ah oui, votre procès. Vous êtes innocent. Assurément. Si vous êtes innocent, tout est très simple. Mon innocence ne simplifie pas les choses. Certes, vous connaissez le tribunal mieux que moi, mais moi, j'ai écouté pas mal d'opinions divergentes. Pourtant, tout le monde est d'accord sur un point. Quand le tribunal accuse, il se tient à la culpabilité de l'accusé et se laisse difficilement convaincre par son innocence. Difficilement ? Jamais. Je pourrais faire une peinture murale montrant tous les juges, les uns à côté des autres. Et si vous plaidiez votre défense face à cette peinture murale, vous auriez plus de chances de succès que devant le tribunal. Si vous plaidiez votre défense face à cette peinture murale, vous auriez plus de chances de succès que devant le tribunal. Tito Rally, il va s'en aller. Chut. Ah. Alors, vous êtes innocent et vous voulez que je vous aide. Comment pouvez-vous m'aider si le tribunal est inaccessible aux preuves ? Inaccessible aux preuves apportées au tribunal ? Mais ailleurs ? Ailleurs ? Oui, ailleurs. Dans les couloirs, dans les coulisses, ici même dans cet atelier. Comment ça ici ? Tous les juges viennent ici pour leur portrait. J'ai une certaine influence. Des juges de haut rang ? Les juges de haut rang de bas étage. Tu vas le croquer, Tito Rally ? Ne le fais pas, je t'en supplie, il est tellement laid. Si vous ne vous taisez pas, je vous jette l'une après l'autre dans les escaliers, comme la dernière fois. Pourquoi les supporter comme ça chez vous ? Elles font partie du tribunal. Comment ça ? Tout fait partie du tribunal. Vous ne le saviez pas ? Tout fait partie du tribunal. Il fait tellement chaud ici. Alors, vous êtes innocent ? Cass s'énerve. Pourquoi le peintre revient-il sans cesse sur le mot « innocent » ? Douterait-il de son innocence ? Est-ce la condition sine qua non de son aide ? Mais pourquoi alors demander son assistance s'il est innocent ? L'avocat Huld disait que les juges sont faciles à manipuler. Et si c'est vrai, le fait que des juges orgueilleux fréquentent le peintre ne doit pas être sous-estimé. Quel genre d'acquittement désirez-vous ? Quel genre ? Vous avez le choix entre l'acquittement réel, l'acquittement apparent et la prorogation. Le meilleur serait l'acquittement réel. Vous, l'acquittement réel ! Je voudrais bien sûr un acquittement réel. Il n'existe pas. Non ? Moi qui assiste à beaucoup de procès, je n'ai jamais vu un acquittement réel. Dans le livre des lois, on en parle, si, mais dans la réalité, le réel, ça ne s'est jamais vu. Il paraît qu'il y a longtemps, mais rien n'est moins sûr. Les décisions du tribunal sont tenues secrètes. Même les juges n'en sont pas informés. Alors, les acquittements réels sont devenus des objets de légende. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre ? Non, impossible. Vous pouvez par contre retirer votre veste. J'enlève ma veste. Ça y est, il enlève son veston. Et quoi d'autre ? Elle croit que vous vous déshabillez pour que je puisse vous peindre. Bon, pas d'acquittement réel. Donc sans espoir. Pourquoi ne pas remplacer le tribunal par un bourreau ? Parce qu'il vous reste des choix. Quel choix ? Entre l'acquittement apparent et la prorogation ? Malgré tout, le peintre permet à K de conserver une lueur d'espoir s'il a vraiment des relations avec les juges. L'acquittement apparent ! Pour l'acquittement apparent, je prends n'importe quel bout de papier et j'écris dessus « Joseph K est innocent ». Sur ce bout de papier, je collecte les signatures de tous les juges qui viennent ici faire leur portrait. Vous le feriez ? Et je le donne au juge dont je suis en train de peindre le portrait. Je lui explique que vous êtes innocent et que je suis prêt à me porter garant. Et il m'acquitterait ? Rien n'est moins sûr. Il vaudra mieux, quand j'aurai ramassé assez de signatures, que j'amène le certificat chez le juge qui s'occupe de votre procès. Et je serai libre ? En apparence. Les juges de bas rang, les seuls que je connaisse, n'ont pas le pouvoir de rendre un acquittement définitif. Seules les instances suprêmes possèdent ce pouvoir. Elles sont inaccessibles pour nous. Mais un acquittement apparent reste possible? Contrairement à un acquittement réel, où les dossiers du procès sont détruits, après un acquittement apparent, le dossier revient au tribunal. Là, par contre, aucun dossier ne se perd. Au tribunal, il n'y a pas de place pour l'oubli. Au tribunal, il n'y a pas de place pour l'oubli. Un juge pourra ensuite de nouveau prendre en main le dossier, voir que l'accusation est toujours valable et ordonner une nouvelle arrestation immédiate. Il existe même des cas où l'accusé, rentrant du tribunal acquitté, trouve chez lui des gardiens qui l'attendent déjà pour l'arrêter à nouveau. Au moment même où les juges prononcent l'acquittement, l'arrestation est déjà prévue. Et le procès recommence ? Le procès recommence, mais bien sûr avec l'option d'un nouvel acquittement apparent. Qui sera cette fois définitif ? Pas du tout ! Le second acquittement est suivi par la troisième arrestation. Le troisième acquittement par... Arrêtez, je vous en supplie ! Par rapport à l'acquittement apparent, la prorogation est avantageuse pour l'accusé, puisqu'il ne doit pas être arrêté à nouveau à chaque fois. K remarque soudain que le peintre est calé sur sa chaise, avec sa chemise de nuit grande ouverte, tandis qu'il passe une main sur sa poitrine et la glisse sur ses flancs. Par contre, l'accusé doit se présenter perpétuellement au tribunal et garder en permanence des relations avec son juge. En somme, il faut que le procès entre dans un mouvement perpétuel qui le définit en tant que tel, totalement confiné à l'intérieur d'un cercle artificiel. Vous avez tout compris. Enfin, il se lève. Casse-toi, tu es moche. Vous partez déjà? Oui, j'ai la tête qui tourne. Donc, vous avez bien saisi. Les deux dernières options peuvent bien empêcher une condamnation. Ainsi qu'empêcher un acquittement réel. Très juste. Je vous déconseille de prendre des décisions hâtives. Il n'y a qu'un poil entre les avantages et les désavantages. Bon, merci. Je reviens bientôt. Tenez parole, sinon je viendrai à la banque demander des explications. Ouvrez ! La porte est bloquée de l'autre côté ! Bien sûr, les filles vous jouent un tour. Que faire ? Utilisez cette sortie ici, là, derrière le lit. Ah, attendez un instant. Vous ne voulez pas acheter un tableau? Un paysage des Landes. C'est vrai. À cause de son malaise, K a complètement oublié la question de la compensation. Le peintre l'a aidé et il a promis de l'aider encore. K tremble d'impatience tant il lui tarde de s'échapper. Mais il ne peut pas refuser. Je l'achète. C'est un dessin qui représente deux arbres, peints aux deux extrémités du tableau, qui poussent dans l'herbe vert foncé. Au fond, vous voyez un coucher de soleil multicolore. Oui, oui, oui, très bien. Très bien, la sortie. Et en voici un autre, du même genre. Du même genre? Il n'y a pas la moindre différence? Les arbres, l'herbe, le soleil, pareil. Marché conclu, est-ce que je peux... J'en ai encore un troisième, hein, semblable. Donnez. Très beau tableau. Je les achète tous pour les accrocher dans mon bureau. Combien? On en parlera la prochaine fois. La prochaine fois? Je suis ravi que mes tableaux vous plaisent. J'en ai des dizaines sous mon lit, là. Tous dans la même veine. Plus ou moins. Je vous les vends tous. Comment sortir d'ici, s'il vous plaît? Par ici. La porte pour les urgences, pour éviter les filles. Il faut monter sur le lit. Je vous ouvre. Mais... Quelque chose vous étonne? Je connais cet endroit. Ce sont les bureaux du tribunal. Il y a des bureaux du tribunal dans tous les greniers. Pourquoi pas ici? Mon atelier aussi fait partie des bureaux. Le tribunal l'a mis à ma disposition. Le tribunal a mis l'atelier à sa disposition. Un long corridor s'étend devant K. L'air étouffant dans l'atelier était presque frais par rapport à celui d'ici. Des deux côtés, des bancs en bois, exactement comme dans le grenier où se trouvait la blanchisseuse, l'huissier et le juge d'instruction. K marche, ou bien il titube, son mouchoir contre sa bouche. Les fillettes, elles se sont sans doute aperçues que K est sorti par la porte de derrière le lit du peintre. Au revoir. Je suis... Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ce qui tourmente K n'est pas le fait que les bureaux du tribunal se trouvent ici aussi. Non, c'est lui-même, avec son ignorance de la réalité judiciaire. Règle numéro un pour un accusé, se tenir toujours prêt, ne jamais se laisser surprendre, ne pas regarder à droite quand le juge apparaît à gauche, ne pas regarder à gauche quand le juge apparaît à droite. K enfreint cette règle en permanence. C'était Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Septième épisode, Le peintre, avec Stéphane Valinci, K. Olivier Peigné, Titorelli. Agathe Le Bourdonnec, La Bossue. Irma Barry-Schmidt, Christine Vélan et Alice Schneider, Les filles. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.